je pleure ma savane. ROS, c'est pour toutes les mères, tous les pères, tous les frères, mais aussi pour toutes les sœurs, tous les enfants. M-A-Y-I, tréma, ha ha. Blessé de l'intérieur, je le suis, mais pas abattu. Mes traits n'en donnent pas l'air, tu sais. Même si le soleil brille, qu'il y a un ciel bleu avec peu de nuages blancs dans mon cœur, c'est pas. Dans ma tête, c'est pas. Rouge mais gris, je mange mais je maigris. Dans mon cœur, un temps de pluie, des vents violents, on y entend des pleurs, des cris, une adrénaline de sortie à travers les pleurs d'un violon, du violon, d'une flûte, d'un piano, mais aussi une bouffée d'air irrespirable. Mais ça m'est égal, j'ai pour vision cette savane verte. Je pleure ma savane, on aurait dit des larmes qui sort des yeux, passe par les doigts et coule jusque dans le violon. Mais pas abattu, parce que je vis, je récite, même dans l'illicite, mes récits se sentent embellis. Pour la street, pour toi, je chante, dicte l'écriture explicite, même si parfois une rage ressentie dans un verre de col hall. Rap sale, pas grave, c'est du freestyle. Mais pour les petits, contre la violence, je reste tout de même lucide. Fuck la violence. Pour les petits, je reste tout de même lucide. Fuck la violence. Prends la peine de ne pas faire davantage de ma peine. Une peine, ma peine, une chaîne incassable. Même si des fois elle m'enchaîne. Une chose est sûre, c'est que c'est pas une scène. Non, c'est pas la peine, parce que c'est pas de froid mais de tristesse que nos mères peinent. Alors viens pas me dire qu'à petit feu on les tue pas. Il manquerait plus qu'une pelle pour un trou, tu vois. Des souffles au cœur, nous on en a. Souffre douleur en mauvais état, dans nos états. Sans s'en rendre compte, on s'emballe, je déballe. Naturellement ce drame c'est mon état. Et ça c'est pas le système qui veut ça. Fuck, fuck, le système m'a pas mis au monde. Fuck, fuck, le système me porte pas dans son cœur. Si je m'y retrouve là-haut, c'est pas eux les jaloux qui pleurent en mon deuil. Dans nos vies, faut-il qu'il y ait décès pour dire oh non, celui-ci c'était un bon. Dommage, il est parti. Mais fuck ta pitié, fais pas semblant d'avoir de la peine. Garde ta haine, je te donne de moi. Ensuite, mi, elle, lui, c'est de l'histoire ancienne. Donc, rien à foutre de ta fleur sur mon cercueil. Pas de gravure sur pierre, rien à foutre de ta fleur sur mon cercueil. Sur mon cercueil, sur mon cercueil. Dieu merci, je m'engraisse un peu. Je servirai une fois sous terre de nourriture aux fourmis, aux insectes. Bref, tout ce qu'il y a sous terre. Pas un gramme égoïste, une vue sur une vie après la mort. Une vie après la mort, vue d'en haut en attendant ici bas. Pour nos descendants, faut se battre. Faut qu'on concrétise un combat entrepris. Qu'on concrétise un avenir dans la bonne foi, dans la bonne voie. Pas grand chose à gagner ici bas, si ce n'est qu'on s'allie, qu'on damne nos âmes. Mais malade comme moi, meurs comme moi. Tu fais tes besoins comme moi. On est tous des créatures du même créateur, fait pour la même nature, de la même nature. À chacun son évolution, y'a pas de petite nature. À chacun son évolution, y'a pas de petite nature. Non, y'a pas de petite nature. Solitude.